FrenchPod.com. Alors, comme ça, vous venez de Londres ? Oui, de la banlieue. Nous avons décidé d'acquérir une maison dans le sud de la France. C'est un peu notre rêve. Vous connaissez déjà le coin ? Très bien. Nous venons chaque été en vacances dans cette région depuis plus de 15 ans. Comme nous envisageons même d'y passer notre retraite, nous pensons qu'il est temps d'arrêter de louer. C'est une décision tout à fait sensée. J'ai justement une villa à côté de la mer à vous proposer dans un petit village près de Bordeaux. Un vrai bijou. Oh, au bord de l'eau et près des vignes ? Formidable ! Combien y a-t-il de chambres ? 3 chambres, parfait pour accueillir la famille, et 8 pièces au total. Chauffage central, cuisine équipée, garage et un jardin de 200 mètres carrés. Merveilleux. En plus, vous ne serez pas complètement dépaysé. Il y a déjà 4 couples d'anglais qui se sont installés dans la bourgade depuis le début de l'année.